La nuit des temps, Radio Dio. On change totalement de style maintenant avec un duo électro composé du producteur franco-algérien Najib Ben Ballah. Il est aussi appelé DJ Boulawan, ça ne s'invente pas. Et puis il y a également son compère, le DJ sud-africain Aero Manielo. Montparnasse Music, c'est leur nom, et ils viennent de publier leur premier album qui s'appelle Archéologie. Archéologie, car nous sommes à la croisée du dancefloor, du recueil de sons et de l'électro. Nous sommes en 2022 et à Kinshasa. Thank you. Sur Radio Duo, on poursuit avec un chef-d'œuvre absolu de la disco. Nous sommes au Ghana en 1979 et c'est le génial Kiki Jayan avec son hit profond, doux, soyeux, addictif. C'est le Disco Train. Disco train. Let's get out there. Kiki Jayan était un génie du synthé. Il a quitté son groupe en 1977 pour faire une carrière éclair à Londres et à New York. C'est une étoile filante, très malheureuse, un ou deux hits, la drogue et la tragédie du sida. Mais reste heureusement sa fantastique musique et son énorme tube Disco Train. Un titre souvent utilisé par les DJ pour clore glorieusement une soirée. Et que dire de cette rythmique qui frappe un pur métronome? Et cette basse? Disco Train, 10 minutes et 20 secondes. Jayan. D-I-S-C-O, le Disco Train. Et bien sûr, on pense au fameux programme télé américain Soul Train, avec toutes les stars de la soul et de la funk dans les années 70 et 80 et qui passaient les unes après les autres pour la danse. Allez, vite, vite, vite, on file en Autriche maintenant, mais avec des musiciens turcs. On le sait, là-bas, il y a une communauté turque qui est particulièrement importante. Et ceci, ces musiciens s'appellent les Takeshis Kashiu. Ça veut dire les noix de cajou de Takeshi. C'est un hommage à Takeshi Mike, le réalisateur japonais. Oh mais attention, donc c'est allemand, c'est turc et c'est pété de flûte de pan. C'est surtout une merveille, comme une ivresse, avec de la cumbia, du funk, du rock et de la disco, de l'afrobeat. Audio, la nuit des temps. Thank you. Mais oui, c'est l'heure, c'est le moment, c'est la bonne seconde pour écouter le plus grand groupe pop japonais de tous les temps. Et voici Sakan Action. Ishiro Yamaguchi est né en 1980 à Hokkaido. Son papa tenait un club au Japon et adorait jouer les Kraftwerk. Je vous invite à voir Sakan Action et donc son fiston en live. On peut voir ça sur YouTube par exemple et c'est vraiment absolument énorme. Sakan Action bientôt en powerplay dans la nuit des temps. Mais pour le moment, on vous le glisse comme ça, tranquillement, doucement, en milieu de soirée. On revient aux grandes orgues de Moderate, notre power play de la semaine, dans la nuit des temps et ce titre Easy Play, la prière facile et dansante, mélancolique et romantique. Nous sommes à Berlin, et nous sommes en 2022. La nuit des temps, Radio Duo. Jean-Benoît Duncal, c'est la moitié du célèbre groupe R des années 2000. Et le titre Spark, qu'on va écouter, est produit par Jonathan Fitoussi. C'est un électronicien en recherche de bidouillage acoustique. Mais oui, il y a du Jean-Michel Jarre dans ce titre. C'est un peu comme une visite au musée des sons numériques. Et c'est très, très, très beau. Extrait de l'album sorti l'année dernière de Jean-Benoît Duncal. Spark. Thank you. pain just stuck in my head. There was no one that could get me out of it. Yes, I think the drinking was a bit excessive. Just to be frank, the drinking ain't what caused me to be aggressive. My heart has been taken over every day. I get colder too. I realize I need to let go expression from the get-go too. Yeah. Un papa jamaïcain, une maman allemande, elle est née dans le Tennessee. Voici Amber Mark en 2017 dans cette sublime production Lose My Control. On veut du glamour, on veut tout de suite du glamour avec une cathédrale de violon. Nous sommes en 1978, mesdames et messieurs, voici le grand Robert Palmer. Tired of trying. is called I Am Sad, So Very, Very Sad. Thank you. This next one's called I Hate You. Retour à 2022. Nous sommes encore une fois avec des flûtes et des violons. Mais cette fois, nous sommes en Angleterre. Et voici Jungle. Bien voilà, c'est l'heure maintenant de refermer les portes de ce bon vieux club, la nuit des temps. Cette semaine, nous avions au programme, et comme invité, les Allemands de Moderat, je rappelle qu'ils sont programmés aux Nuits Sonores au mois de mai à Lyon, Montparnasse Musique, Kiki Jayan et son Disco Train, les Takeshi's Cashew, Sakan Action, on y reviendra dans une prochaine émission, les Japonais, Jean-Benoît Dunkel, Amber Mark, le second couteau british de la pop, Robert Palmer, et puis on a terminé avec les Jungle qui ont certainement façonné l'un des titres dance les plus fascinants l'année dernière. On arrête la boule à facettes, on étale les amplis, et bien on se retrouve la semaine prochaine les amis pour un autre numéro de la nuit des temps. Et on se quitte avec le fantastique Pino Donaggio, celui qui a fait beaucoup de musique pour Brian De Palma. Et juste après, un petit bonus avec Marc Hollis. Très belle soirée à tous, continuez de rester à l'écoute des programmes de Radio Duo et à jeudi prochain, bye bye. love's nothing, squalid turn. Should've said so, makes it harder. Said some makes it harder.